de notre siècle sont bien inconses. Quand je m'y crois, je m'y pique comme à des ronces. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont-ils plus de retenue? Et là, je vous entends bien me dire, mais toi non plus. Mais moi, je sais juste que si ça s'arrête là. Pour fidélité ou pas, c'est du pareil au même. Sans même parler de tous ces je t'aime. Que sans inhibition, ils distribuent à tour de bras. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Moi, je ne suis pas un con. Je suis juste très très con. Alors votre retenue, pouvez-vous la foutre trop? Ouais. S'afficher, s'exhiber, tout cela m'est étrangé. Rôle de génération, il n'y a plus de vie privée. C'est quand bête et sa tête, c'était sur internet. Moi je vous le dis, cette génération n'est pas nette. Certains diront alors que je suis un peu trop vieux jeu. Mais c'est juste que je m'accroche à certaines valeurs. Donc pour notamment partie la fidélité et la pudeur. Par respect des autres, je n'irai pas montrer ma gueule. A tous les curieux qui aiment ce voyeurisme, question de principe. Moi je ne suis pas un con. Je suis juste très très con. Alors votre retenue, où pouvez-vous la foutre? Moi je ne suis pas un con. Je suis juste très très con. Alors votre retenue, où pouvez-vous la foutre? Ouais. Je ne suis pas abscon. Je suis juste très très con. Alors votre retenue, vous pouvez vous la foutre. Moi je ne suis pas abscon. Je suis juste très très con. Alors votre retenue, vous pouvez vous la foutre. Moi je ne suis pas abscon. Je suis juste très très con. Alors votre retenue, vous pouvez vous la foutre au cul.